RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir, Slasher. Bonsoir, Scream. Voilà, on va commencer l'émission, encore une fois, endeuillée. Car le bassiste du groupe Adrenaline Mobs, David Zebolowski, est décédé donc dans un accident de tourbus. Hein. Il était dans le tourbus avec les membres du groupe en Floride et le tourbus est tombé en panne et il a été percuté par un camion. Il est décédé, donc nous, pour lui rendre hommage, on fait comme d'habitude, on joue un morceau de Adrenaline Mobs avec Why the People. RIP à toi, RIP, David. Jesus! With the People, Adrenaline Mobs, c'était pour rendre hommage à David Zborowski qui nous a quittés ce week-end. Donc voilà, rip à toi, David. Alors, c'est fou vu que cet incident-là nous a rappelé quelque chose, n'empêche. Voilà, tout à fait. Alors, voilà, bon, il est l'heure de commencer l'émission. Aujourd'hui, on va faire une émission à deux, slasher, toi et moi. Oui. Sylvain est en train de se dorer la pilule, elle a bien raison. Elle a bien raison. Voilà, on lui fait un petit coucou si elle nous écoute. Aussi, on fait un petit coucou aussi à Fabrice. Qui nous a, qui vient de nous rejoindre, là, comme ça, sur Rive d'Enfer. Ça fait plaisir. Et on espère que ton album avance, Fab, et que on pourra bientôt organiser un phoneur pour pouvoir, bien entendu, en parler en studio. Donc, deuxième album hein, que tu nous prépares et nous l'attendons avec impatience. Alors, au programme de cette émission, beaucoup de nouveautés, bien entendu, hein, comme d'habitude. Tu vas nous venir aussi avec des pépites, hein, comme tu as l'habitude de faire, n'est-ce pas, Sacha ? Et oui, oui. Voilà. Là, on va commencer avec Atlantic Tide, avec Dust, extrait de l'album du même titre, donc du groupe hein, Atlantic Tide. Et on se retrouve juste après pour du très lourd, tout au long de ces deux heures d'émission. Vous êtes bien branchés sur le QC 95 FM. Voilà. We'll be right back. C'est pas mal, hein, c'est Atlantic Tide avec Dust. Oui. Voilà, on commence toujours, comme d'habitude, doucement, très doucement. Et on va commencer à se réveiller. Là, il sera au Lockersfesten. Et oui, tout le monde l'attend avec impatience. Et donc, notre collègue, hein, ouais, Sylval, qui adore ce monsieur, si je te dis Monsieur Furnier. Ah bah oui, Alice Cooper. Voilà, Alice Cooper qui nous revient avec un nouvel album qui s'appelle tout simplement Paranormal. Et donc on va s'écouter le premier single qui est sorti, car il faut savoir que l'album sortira le 28 de ce mois. On va s'écouter Paranoiac Personality, donc de Monsieur Alice Cooper. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Alors voilà, Slasher, qu'est-ce que tu en penses quand même de Paranoiac Personality, le new Alice Cooper? Bah excellent, du Alice Cooper tout craché. Voilà, ce que j'aime bien, il a encore pu mettre un peu sa patte là, comme ça, on entend un petit... Oui. Un peu style, un peu horreur, hein, comme il est habitué de nous le faire. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a repris ses anciens membres de la première époque de Alice Cooper Band, et oui, donc des années 70, et c'est super génial. Voilà quoi, donc on attend l'album avec impatience et on vous le présentera bien entendu. Hill in the Club avec We Are On Fire. Tracks to a ben, c'est pas mal du tout non plus, hein. Oui. In the club, we are on fire. Alors, on en profite pour faire un petit coucou à Agnès qui nous a rejoint, à Amélie, à Vaken, à tous nos habitués et bien voilà. D'autres aussi du côté de l'Argentine, l'Espagne, les États-Unis, le Japon, sayonara. Voilà, et bien d'autres. Oui, donc coucou les amis. Voilà, donc le prochain, ben, on remercie Tonton Roger de nous l'avoir envoyé. En plus, c'est un super collector pour nous, hein, je vous le montre juste et là, oui. Il est au-dessus de ma tête. Voilà, il s'agit du nouveau best-of de Ed Guy qui s'appelle tout simplement Monument. C'est un double CD, mais en plus de ça, avec un DVD live enregistré en 2004. Et pourquoi il est si collector, Scream ? Ben pourquoi est-ce qu'il est si collector ? Tout simplement parce qu'il y a une impression ratée. Donc c'est-à-dire qu'ils ont, si vous voulez, à la place d'imprimer CD1 sur le CD1 et CD2 sur le CD2, ils ont imprimé le contraire. Donc moi j'étais un peu étonné parce qu'il y a quand même deux inédits dessus. Et donc un des inédits qu'on va s'écouter qui s'appelle tout simplement Raven Black. Donc je dis, ben on va mettre le CD1 pour écouter un peu ce que ça donne. Et quand on l'a mis, ben, j'étais un peu étonné parce que je dis, ben non, c'est la fameuse chanson Mysteria, le duo avec, bien entendu, le chanteur de... Créateur, voilà, c'est bien ça. Et en effet, bon, après je dis, ben, on va changer, on va mettre le CD2. Et sur le CD2, ben voilà, donc il y a une inversion. Donc c'est vraiment un super collector. Et on remercie encore une fois Tonton Roger pour nous avoir envoyé ce super collector. En plus, moi, j'adore, je kiffe Ed Guy, donc voilà. Allez, j'arrête de parler parce que ça vous pompe l'air et j'ai pas envie de vous pomper l'air. Et on va s'écouter donc Raven Black de Ed Guy. Petite nouveauté que, franchement, qui est une petite perle. Allez, c'est parti. Yeah. Alors voilà, Slasher, qu'est-ce que tu penses quand même de l'inédit de Raven Black des Ed Gein? Bah, excellent, très bon inédit que Ed Gein a l'habitude de faire. Voilà, j'avais oublié de dire aussi sur la participation d'Alice Cooper, hein, eh ben, il y a aussi des grands noms quand même qui ont participé à, oui, à cet album Paranormal. Il y a aussi le batteur de U2 qui est là, oui, et, sur cet album, et il joue pratiquement toutes les sessions batterie. Et Alice expliquait un petit peu comment sa façon était de travailler. Lui, il s'inspire d'abord des paroles pour pouvoir avoir son son de batterie et marquer les temps et tout ça. Voilà. Alors le prochain qu'on va s'écouter, d'abord on fait un petit coucou à toute la bande qui nous écoute, même à Seb, qui, Sébastien, qui est un grand voyageur à mon avis, et très fan de U2, c'est pour ça que je me suis permis de oui, dire cette petite aparté. Alors, le prochain... Je voudrais bien que tu racontes un petit peu une histoire, parce que c'est un groupe qu'on a eu l'occasion de rencontrer, et on n'a pas fait l'interview au Ramfest, mais on l'a fait au Hellfest. Oui. C'est The Neurosis. Et le nouveau single qui vient de sortir, qui s'appelle Every Wild Heart, a une petite particularité. Tu dois sûrement te douter de quoi il s'agit. Oui, oui, oui, tout très bien. Alors voilà, donc j'aimerais bien que tu l'expliques. Ok, vas-y. Pour au nom de la radio, voilà. Donc en fait, nous étions au Hellfest. Nous attendions dans le box pour l'interview de Neurosis. Et là, il y a quelqu'un qui vient et dit Can I video? Est-ce que je peux filmer? Et on s'est dit, c'est sûrement quelqu'un pour son blog ou je sais pas quoi. Mais c'est avéré que c'était le manager. Donc du coup, il nous l'a dit après. On s'est dit, il va le garder comme fichier personnel. Puis là, je traînais sur ma plateforme préférée qui est YouTube. Et je tombe sur quoi? Je tombe sur le nouveau clip de Neurosis. Et en photo de couverture, je vois quoi? Je vois nos deux amis, nos deux poupées de Fernando Rockshow. Ne dis pas poupée parce qu'ils nous écoutent, hein. Bah oui, c'est pour ça. Et je me dis, ah, ça m'intrigue. Ah bah c'était film au Hellfest alors. Et à un moment donné, je ne sais plus vers quand, du clip, on voit Squim en train de parler, moi derrière la caméra, et voilà. Donc merci Neurosis pour cela. Voilà, on les remercie. Donc on fait partie de la légende un peu du rock'n'roll. Nous sommes donc RQC, donc je l'ai d'abord bien, RQC, et puis Rive d'Enfer, car c'est grâce à RQC que nous puisse faire tous ces concerts, tous ces interviews et tout ça. Et on se retrouve sur un clip de Neurosis. Et là, j'arrête de parler aussi et on va s'écouter Every Wild Earth des Neurosis. Et quand vous regardez le clip, bah, c'est vraiment bien foutu parce que c'est leur départ, parce que c'est un groupe allemand, c'est leur départ de l'Allemagne pour se rendre au Hellfest pour faire leur show, et on voit une partie du Hellfest, et c'est vraiment superbe. Allez, c'est parti. Every Ride Hurts, The New Rosist. Oui. Alors, je vous rappelle juste que le 7 août, donc un peu avant le Lockerfesten, car oui. L'équipe du Lockerfesten, on aura déjà passé le Lockerfesten le lendemain du fameux 6, parce que le 6, on y sera. Au Lockerfesten, pourquoi ? Parce qu'il y a Megadeth, mon groupe fétiche. Ah, ton groupe fétiche, oui. Il y aura Alice Cooper, bien entendu. Il y aura oui, aussi. Apocalyptica. Oui, il y aura aussi Cavalera. Roots et bien entendu les frères Cavalera, et on y sera. Et le lendemain on accueille Bart, fondateur du Hellzine. Oui. Donc voilà, on l'accueille, et si Maurice nous écoute, ben il est le bienvenu aussi. Il est le bienvenu. Et voilà. Ils seront en interview, et son sissonnera. Même si Maurice nous dit toujours, oh, arrête un peu avec ça, voilà. Il sera le bienvenu. C'est Bart. Alors voilà, maintenant il est temps de passer à la slasher song. Et oui, oui. Et on va écouter, c'est quoi ta slasher, voilà. Donc vous avez choisi un groupe canadien, pour une fois. Pas toujours des groupes américains, voilà. Mmh. Et donc, c'est un groupe de thrash metal qui existe depuis 1984, quand même. Ah bah, c'est les bons thrashers de Annihilator. Et donc, bah, dans les membres, il y a Jeff Waters, Al Capuzzo, Mike Urso. Et franchement, je kiffe les guitares de Jeff. Pas toi, Squim, tu les as pas vu ces guitares signées maintenant qu'il a faites ? Ah bah si, bah, je l'ai vu de près, Monsieur Waters, si elles sont vraiment belles. On avait bien rigolé ensemble aussi. Ah bah je n'y étais pas. Eh non, malheureusement. Et donc, bah là on va s'écouter un titre que j'ai adoré, un titre qui est plutôt vieux, il s'avère. C'est le titre Deadlock, donc de leur album Fist. Fist, yes, yes. Voilà, alors directement, tu vois, quand on parle de Bart et qu'on parle de Vaken, voilà. il est là, il est arrivé, c'est pour ça que vous entendez le canari de mon téléphone sonner, hein, je sais que ça fait pas trop radio, hein, mais que voulez-vous, c'est comme ça qu'on m'a... Ça fait nature, c'est, voilà. Là je viens de le mettre sur vibreur quand même, hein. Respect. Ben oui, les amis, vous pourrez choisir quelques titres, mais prévenez-moi quand même quelques jours à l'avance. Hein. Ben oui. Et on vous jouera quelques titres. Allez, on est sympa quand même ici, c'est en rive d'enfer. Hein. On est une grande famille, la famille des métalleux. Yeah. Voilà. Mais maintenant, j'ai plus choisi. Je veux plus tellement faire les cornes. Je veux essayer de faire le signe. Moi, je veux faire le signe. Ah oui, comme ça, personne dans le quiproquo de Gene Simmons, etc. Voilà, comme ça, je. Non, mais j'aime bien le signe un peu hawaïen, comme ça, peace and love. Hein. Voilà. Donc oui, vous pourrez choisir un peu vos musiques, les amis, il n'y a pas de souci, oui, vous nous envoyez vos titres, et vos titres, les titres, je les prendrai, il n'y a pas de souci, dans la grande médiathèque de Rive d'Enfer. Oui, même une petite médiathèque, mais il y a de grandes choses à l'intérieur. Voilà, alors vas-y, je te laisse annoncer. Donc c'est Annihilator avec Deadlock. Alors, c'est le slasher. Sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. We'll be right back. Voilà, Slasher, donc c'était... Oui. Donc c'était Annihilator avec Deadlock. Et c'était ta Slasher Song. Voilà, ça déboîte bien quand même. Hein. Oui. T'es un fou furieux des fois, toi. Hein. Pas merci. Non, mais des fois, tu passes du sage au moins sage quand même. C'est bien. C'est au très plus bien. Méchant. Voilà. Alors, le prochain, c'est River Black avec le titre Honor. Encore une petite nouveauté. Voilà. On est gâtés, hein, c'est Rives d'Enfer. C'est Rives d'Enfer et vous êtes vraiment bien gâtés. Et normalement, la semaine prochaine, si tout va bien, il y aura aussi du Prong, nouveau Prong. Oui, Prong qu'on a eu l'occasion d'écouter en avant-première Wellfest 2017. Ouais, et il bombarde très très bien. Oui, il est excellent. Franchement, voilà. Rien à dire dessus. Voilà, c'est parti. Des boîtes vraiment, hein. Oui, c'est excellent. River Black avec Honor. Alors, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait lancé un concours pour les Smash Hit Combo. Et donc, il y a eu des albums remportés. Hein. Oui. Et il en reste un. Il en reste juste un qu'on va. The Last One à remporter. Donc, on va faire un petit concours ici. Oui. Donc, soit vous répondrez en message privé, je dis bien privé, ou en sur mail, hein, sur Riff d'Enfer. @ Non, Riff d'Enfer, oui. Point. RQC. @gmail.com. Yes. Donc, Riff d'Enfer. @ Non, point. RQC. @gmail.com. Voilà. Alors, la question est toute simple. De quelle ville d'origine sont les Smash Hit combo. Et vous nous envoyez la même réponse. Et le premier qui aura, ou la première qui aura répondu remportera le CD. Et oui. Le prochain, bah, c'est un groupe que j'adore. J'adore. C'est Ice Hearts. L'album s'appelle Incorruptible. Tout ce qu'ils ont fait, franchement, c'est superbe. Là, on va s'écouter Raven Wing. Et c'est une véritable tuerie. C'est fou comme je kiffe ce groupe, hein, franchement. Oui. J'adore leur composition et tout, c'est extraordinaire. Ice Earth, donc, avec Raven Wing. Juste avant de découvrir encore une petite découverte que tu nous as faite pas plus tard que la semaine dernière, hein. Oui. On va s'écouter Battle Raiders avec le titre éponyme de l'album. Et on se retrouve tout de suite après pour une petite découverte, menu découverte du Slasher aussi aujourd'hui. Allez. Oh! Battle Raider, donc c'est le titre éponyme de l'album, hein, voilà, c'était juste ça. Donc n'insistez plus, c'est remporté. Félicitations à toi Maurice. Félicitations. Mulhouse et Alsace, voilà, donc c'est les Smash Hit Combo. Et voilà, c'est remporté. Alors je vous rappelle, le 7 août, on aura Bart du Helsin, sûrement accompagné de Maurice, hein, de Vaken. Voilà, ils seront ici en studio et ils nous parleront un petit peu du Helsin. Vous verrez, ça vaut vraiment le détour, les amis. Alors, on poursuit avec... donc, tu nous as dégoté, quelque chose, oui, le Slasher. Et c'est quoi encore que tu nous as dégoté? Bah, c'est un groupe, hein, fatalement. Voilà. Et donc, c'est Evolution Zero, un groupe que je vous conseille. Et comment les a-t-on rencontrés? Et bah, en fait, il s'avère que la semaine dernière, nous avons fait le concours Smash It Combo. Et bah, il y a JP qui avait participé à ce concours et qui avait remporté, que je ne connaissais pas du tout. Hein, c'est le cas de le dire, je ne les connaissais pas du tout. On se parle. Et il dit, tiens, j'ai un groupe, ça te dirait... que vous fassiez la promo. Et ben oui, hein, on a accepté dans Rive d'Enfer. Et donc c'est Evolution Zero, un groupe, on va dire, en voix death, mais en mélodique trash, si je puis dire. Et toi, tu t'en penses quoi de... D'accord. Et je crois aussi que c'est des grands, grands amis à Agnès et Yannick qui nous écoutent, oui, souvent. Et voilà, donc ça va leur faire plaisir en plus. Hein, oui. Voilà. Et normalement, si tout va bien, on les aura en phoneur aussi. Oui, on les aura en phoneur. On va essayer de caler un interview phoneur parce qu'ils ne sont pas de la porte à côté. Donc, pour les faire venir, c'est un peu loin. Oui. Mais on va essayer de caler un phoneur aussi. Donc, vas-y, je te laisse annoncer le titre. Donc, on va s'écouter le titre « Today, Today ». We'll be right back. Voilà, donc Slasher, tu as dégoté ce groupe, donc oui. Et aussi un peu grâce aussi à Agnès et Yannick. Hein. Oui, donc merci. Voilà, à eux. Merci à eux aussi. Hein. Et donc c'était. Donc c'était Evolution Zero avec Today Today. Et l'album s'appelle. Bon, Evolution Zero. Voilà, titre éponyme. Voilà, titre éponyme. De l'album, là c'était Today Today. Juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter Dream Evil, l'album s'appelle Six. On va s'écouter le titre éponyme de du groupe aussi, hein, Dream Evil avec Dream Evil. Et après ce sera la balade crapuleuse, et là aussi on va partir du côté du Canada les amis. Ah oh bah voilà. une petite bombe quand même, hein, le dernier Dream Evil avec donc le titre éponyme. Et l'album s'appelle tout simplement Six. Alors voilà, je vous avais dit, on va vous parler un petit peu d'un groupe. Hein, enfin, vous parlez, on va vous jouer la balade crapuleuse du groupe Arens Carême, qui est un groupe du Canada. Et on va s'écouter Slowly Slipping Away. C'est enregistré à Phoenix, en Arizona, live at the Phoenix. Et on va s'écouter cette balade. Et on se retrouvera tout de suite après avec un autre live, mais d'un ami qu'on on a rencontré qui est vraiment super sympa aussi. Oui. Ça va te rappeler des souvenirs, Stasher, tu verras quand on va le jouer tout à l'heure. La balade crapuleuse Arems Karem. This is Slowly. There's a burning question in my heart. I see the answer in an easy feeling without you. There's only peace by your side. Our hearts divide, the cold world outside. So now this love keeps us alive. I feel it in the morning, I feel it all through the day. Une belle balade. Ah oui. Slowly Slipping Away, Arems Carême. Alors là, je vous avais dit, hein, on va rester dans le live. L'album vient de sortir aussi. C'est un double. Si je te dis Dirk Schneider. Ah, Udo. Udo. Voilà, l'album s'appelle Life Back to the Roots. Et on va s'écouter Metal Hurts, donc de Monsieur Udo. Si tu te souviens, on les avait vus au De Kreun. Au De Kreun. Au Forum Voreal aussi. Au Forum, au Rode Kreun, je crois. Rode Kreun aussi, oui. On l'a un peu vu partout, un peu partout. Un peu partout. Voilà, allez, c'est parti avec Monsieur Udo. Merci, merci. Ah, c'est des souvenirs à ça, Slasher. Hein. Ah bah oui, des grands souvenirs. Grands souvenirs. En plus, tu te rappelles l'after qu'on a fait avec les Garage D. Ah oui, dans leur van avec des petits chips, voilà. Ouais, dommage que Sylvain n'est pas là pour en parler, mais bon, oui. elle est en train de se reposer. Elle est en vacances, voilà, elle est tranquille. Elle est tranquille, elle est tranquillou. Voilà, oui. C'était au Forum Vauréal et aussi à De Creun. De Creun, Forum. Franchement, voilà. On avait fait un marathon. On avait fait un petit marathon cette semaine-là, d'ailleurs. Ah, même un gros. Il y avait même les Steel Panther et tout ça qui étaient de pain. Killer Komanski. C'était un gros truc. Ouais. Le prochain, c'est encore un concert qu'on a vu. Oui. Si je te dis, encore un groupe allemand avec Kissing Dynamite. Bien, Kissing Dynamite qu'on a vu au Wild Fest. Non, Wild Fest. Wild Fest. Ouais. De cet été, enfin, cet été, juste avant les... Oui, de ce printemps. De ce printemps, voilà. Et donc, c'était Kissing Dynamite, qui était vraiment, vraiment bien foutu quand même, hein, comme concert aussi. Oui. Petite ambiance un peu intimiste, hein, on va dire ça comme ça. Y avait bien. Franchement, pour une deuxième édition, c'était vraiment bien foutu quand même. Oui. C'est un concert glam, hein, on va dire comme ça. Et on va s'écouter là. Kissing Dynamite avec Money, Sex, Power. We'll be right back. Super hein, ce groupe quand même, hein. Kissing Dynamite. Oh, excellent. Money Sex Power, yes. Franchement une véritable bombe. Ce groupe, je vous conseille s'il passe par chez vous. Comme on dit dans le jargon, it's fucking good. It's fucking good. Enfin, un petit coucou à monsieur Philippe. Coucou Philou, ça va? Ça va Philou, tu nous regardes. Et normalement, on doit se voir incessamment sous peu. Oui. D'ici, allez, on va dire quand je dis incessamment sous peu. Quelques mois, voilà. Quelques mois quand même, hein, mais normalement, on se voit bien, bientôt. Encore un groupe qu'on affectionne très fort ici dans Rive d'Enfer. L'album arrive incessamment aussi sous peu. Oui. C'est pour ce mois-ci. La pochette, elle est assez marrante. Si vous voyez un éléphant faire du trompe dance, donc il danse sur sa trompe, voilà. Et ben, il s'agit du nouvel album de Mr. Big. Voilà, là on va s'écouter Defying Gravity. Et justement, l'éléphant sur la pochette, Gravite. Il défie justement la gravité. Et c'est du grand, grand Mr. Big, hein, bien entendu, avec oui. Paul Gilbert à la guitare, Eric Martin au chant, et bien Billy entendu, Sheehan à la basse. Billy Sheehan à la basse. Franchement, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Donc, oui. Mon petit doigt me dit. Si Mr. Big sort un album, peut-être. Please Hellfest. Please Hellfest, please Hellfest. Allez. En plus, il y a Billy Sheehan qui peut-être nous écoute, voilà. Voilà, on ne sait jamais, hein, vu oui. qu'il est dans nos amis Facebook. Oui, voilà. Allez, c'est parti avec Mr. Big. Take out my own. I'm being wrong and free. Ah voilà, donc juste à l'instant c'était Mr. Big avec Diving Gravity, vraiment monstrueux, hein, franchement, voilà, rien à dire. Oui. Et je sais très très bien que ça fait plaisir à Monsieur Phil, Tao, chanteur de Till Dawn, voilà, il adore Eric Martin, j'en suis sûr et certain. Et en plus de ça, ben, je lui fais un petit coucou, car si je sais un petit peu taper dans la chanson, mais pas comme une star, loin de là, c'est un peu grâce à lui quand même, hein, si tu te souviens, Phil, voilà, tu nous écoutes, et ça fait plaisir, ben, tu m'as aidé à apprendre quelques notions, voilà. C'est des Remember, hein, of Atelier Rock de Herstal, voilà. Allez, Man White Omission avec Hey No, c'est tout de suite, c'est maintenant. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM dans Rive d'Enfer avec vous, Scream et le Slasher, donc. Hein. Yes. Voilà, c'est parti. Just stay in that line. Voilà, c'est un peu plus dense, hein, on va dire ça comme ça. Semen with a Mission, l'album s'appelle Dead in Tokyo. C'est la version européenne edition oui. Et c'est Hey No. Le prochain, c'est sorti chez Frontier Records. Merci Frontier. Ouais, voilà, merci à tous les... tous nos partenaires. Tous nos partenaires, les maisons disques qui nous font confiance et ils sont de plus en plus nombreux. Oui, et c'est bien. Aussi bien du côté de la Belgique que de la Hollande, que de l'Allemagne, que de partout, quoi. Et là, on va s'écouter All 41 avec Cyanide. L'album s'appelle World Best Hope et c'est vraiment bien foutu aussi. C'est un peu plus mielleux quand même. All 40 oui. Run, Cyanide. Et c'est, bien entendu, l'album s'appelle World Best Hope. Donc, je le disais tout à l'heure, on remercie Tonton Roger de nous avoir envoyé le best-of, le triple best-of de Ed Guy, hein, qui s'appelle tout simplement Monument. C'est vraiment un vrai monument, vraiment un collector. Donc, il y a un DVD. Moi, j'affectionne très, très, très fort Ed Guy. Ah bah oui. Et là, on va s'écouter Mysteria, hein, donc un deuxième extrait de ce best-of. T'en demandes toujours plus. Ah ouais, j'en demande toujours plus. Bah, que veux-tu, c'est Ed Guy, hein, voilà. Ah bah oui. Et c'est parti. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show! windy, no thunder, wind and rain. Eels are crawling everywhere, compounding with the game. Mysterio, a spirit arises. Eldritch. là là là, rien à dire. Moi, je kiffe trop oui. Ed Guy. Et là, on c'était. Je le passé dans la voiture longtemps, ça. Peut-être pas, parce que j'aurais bien regardé quand même le DVD live, hein, donc oui. De 2004. Franchement, super voix ce mec. Et c'est un putain de compositeur. Hein, quand on voit ce qu'il fait avec Avantasia, où il arrive à mettre sur scène quand même Monsieur Catley, donc chanteur de Magnum, ouais. Close Man de Scorpion, Michael Kitsky, ex-chanteur d'Halloween, il arrive à faire monter des gens sur scène incroyables pour son opéra rank à lui, hein, c'est un Allemand, il compose comme un fou furieux. C'est un mec qui joue de la gratte, qui joue de la basse, qui joue du piano, qui a la batterie, un multi-instrumentiste et c'est une putain de voix. Franchement, heureusement, parce qu'il y a un moment donné, il était trop parti sur les trémolos et tout, donc ça faisait un peu trop chien, je veux dire, comme ça, quand il partait en faisant trembler trop ses trémolos, ça faisait un peu trop, et à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui lui ont fait la remarque, et il s'est un peu calmé de ce côté-là, mais c'est vraiment un fou furieux. Oui. Allez, bad karma, bah oui, des fois on a un mauvais karma, hein, que veux-tu, nous ne sommes pas tous nés sous la même étoile, voilà. Bad karma, donc c'est la version US, parce qu'il y a plusieurs groupes qui s'appellent le Bad Karma, et on va s'écouter Tame the Beast, extrait de l'album Death Has No Calling Card. Oui. We'll be right back. Juste à l'instant, c'est Bad Karma avec Tame the Beast, extrait de l'album Death Has No Calling Card. Si eux, ils ne disent pas qu'ils ont été influencés de la première heure par Metallica, je comprends rien. Rien. Ça sonne un peu vraiment production même Kill Em All, quoi, de Metallica. Voilà, donc c'était les Bad Karma. Allez, on va peut-être faire un petit scoop comme ça. Bientôt, on va peut-être faire tourner la tête à 360 degrés à nos auditeurs. Hein. Oui, peut-être. Voilà. Peut-être, on n'en dit pas plus pour le moment. Voilà. Donc peut-être que vous allez pouvoir admirer bientôt quelque chose de spécial. Tout, vous pouvez tout admirer. Voilà, on dit rien pour le moment. Allez, Dirty Machine, l'avant-dernier titre avec Sealed, extrait de l'album Discord. C'est tout de suite, c'est maintenant. Mais ici, il n'y a pas de Discord au sein de Rive d'Enfer. Ben hein. Non, c'est ça, hein, ouais, on est en corde. Voilà, et c'est vrai, voilà. Et Agnès me dit aussi, hein, oui, c'est clair, ça sonnait fort, le Kill Em All de Metallicus. Voilà, voilà, je ne me suis pas trompé. Hein. Oui. Et voilà, Slasher, il est bientôt l'heure de se quitter. Hein. Malheureusement. malheureusement, sniff, sniff, sniff. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, oui. Sylva sera de retour de vacances. Oui, elle sera bronzée, elle nous ramènera le soleil. Elle nous ramènera le soleil, quoique, bon, il est un petit peu réticent, mais bon, on espère le voir quand même avant, hein, quand même. Ah bah oui. Voilà, donc, on se retrouve la semaine prochaine avec plein de nouveautés encore. Et là, on se quitte avec Falaise. L'album s'appelle My Headless Insanity. Et on va s'écouter Seven Sweltering City. Petite news encore. Ciao, ciao les amis. Ciao. Dormez bien. Si vous sortez, sortez couvert. Voilà. Et profitez bien de vos vacances en écoutant RQC 95 FM. Hein, tous les jours de la semaine. Voilà. Oui, tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Voilà. Ciao, ciao les amis. Ciao. Aloha. Ciao. Aloha.